Chapitre 5. Le calvaire. Je n'essaie pas d'expliquer. J'ai vu, cela suffit. Clarence, les princes de la science moderne, les maîtres, ceux que j'ai le plus révérés, que sont-ils en regard de vous? Des aveugles qui s'aventurent à tâtons dans l'inconnu. Notre méthode scientifique, elle s'arrête à l'apparence mensongère des choses. Nos hypothèses, pauvres jeux d'infirmes, coups de sonde donnés au hasard dans les profondeurs. La science est si lente parce que nous nous égarons sans cesse, de ténèbres en ténèbres, jusqu'aux ténèbres éternelles. Mais vous, Clarence, vous dont je notais les paroles et les actes, afin d'établir un verdict de déséquilibre mental, vous que je rêvais de guérir, imbécile que j'étais, vous savez voir dans l'invisible ce qui n'est pas encore, ce qui sera demain. Pour vous, la distance n'existe plus, l'épaisseur de la matière n'existe plus, le temps n'existe plus. Vous êtes relié mystérieusement à tout l'univers, au passé comme à l'avenir. Vous disposez de la connaissance totale. Mes certitudes anciennes sont évanouies en fumée. Sur la page blanche de mon esprit, je suis prêt à transcrire la loi nouvelle. Vous pouvez saisir la pensée dans le cerveau des hommes. Vous distinguez les sentiments les mieux cachés. Le subconscient qui se révèle à nous d'une manière falote et intermittente, par éclairs aussitôt renié, devient pour vous le domaine comblé de richesses, inondé de lumière où vous promenez vos pas sans hésitation. Duncan, un seul de vos regards a discerné à l'arrière-fond de ma conscience une palpitation ignorée de moi-même, une tendresse qui avait fini par se taire, enfouie sous le fatras des jours. Et si aujourd'hui je porte un deuil secret, si je souffre et ressens davantage ma solitude, il y a en moi la douceur d'un pardon. J'écartais la vieille souffrance, désormais réveillée, et je me livrais tout entier à un rêve grandiose que Duncan, d'un mot, pouvait transformer en réalité. Divulguer au monde savant ce moyen de connaître qui renversait toutes les notions acquises. Tout connaître, tout comprendre immédiatement. Percevoir dans l'organisme l'éveil des maladies avant qu'elles n'aient commencé leur ravage. Le préparer d'avance à se défendre. Assister au travail des cellules. Saisir les causes de désordre et que le corps vivant devienne aussi lisible entre nos mains que les cadavres ouverts sur une table d'autopsie. Et ce n'est pas seulement la biologie qu'il s'agit de rénover, c'est la science entière. Nous allons multiplier les découvertes dans les laboratoires. Nous n'avons plus besoin de la chimie pour étudier les combinaisons des molécules. La matière nous est livrée avec tous ses secrets. Et quant à l'astronomie, qui étudie les astres de si loin à coups de mathématiques et de déductions, elle nous paraît un balbutiement à nous qui pouvons franchir les espaces interplanétaires. Nos ressources seront illimitées. D'un regard, nous prospecterons les sous-sols et nous posséderons les couches d'or et de platine. Supprimer la pauvreté, guérir le mal social, éviter les guerres en dévoilant les intrigues de la politique, préparer l'avenir en le connaissant, quelle ère magnifique s'ouvre pour les hommes. Bouleverser aussi les sciences du passé, l'histoire, remplacer les documents contradictoires, laborieusement amassés par le coup d'œil infaillible de la clairvoyance. Mettre partout la vérité à la place de l'erreur. Substituer à nos tâtonnements la compréhension immédiate et profonde des phénomènes. Révolutionner la philosophie à son tour. Instaurer au-dessus de notre courte raison une sagesse d'un autre ordre, la vision dominant la pensée. Je vois, donc je suis. Duncan pouvait tout cela. À nous deux, il appartenait de reconstruire la science. La vérité s'offrait à nous, universelle, dans le passé comme dans l'avenir. La conquête la plus inouïe depuis que l'homme apparut sur la terre. Je me représentais la figure de mes confrères lorsque je viendrais leur déclarer que je connaissais l'avenir. L'éclat de rire des uns, l'ironie, les yeux inquiets qui dissimuleraient un soupçon et les questions apitoyées. Mon cher ami, vous vous surmenez, n'est-ce pas? Tous ces regards chargés de défiance, puis de stupeur, les preuves qu'il s'agirait d'établir aussitôt. Et je voyais ces hommes arriver, importants, dont beaucoup sont illustres, retranchés tout à l'heure dans leur négation absolue, me supplier de leur conférer mon pouvoir, les mesures qu'il conviendrait de prendre, la communication retentissante à l'Académie de médecine, le bouleversement de l'opinion, les journaux alertés, le monde tressaillant à la nouvelle qu'il cessait d'être aveugle. Presque chaque soir, j'allais retrouver Duncan. Il m'accueillait avec une douceur lointaine. Il parlait de la santé de Philippe ou de mon travail. Il citait les mots de la petite Claire. Il racontait les progrès de Célestin, le gamin de Balavo qu'il avait recueilli. L'innocent comprenait les volontés de son maître avant qu'elles ne fussent exprimées et ne supportait pas de le quitter. Il fallut l'empêcher de dormir derrière la porte de Clarence. Mais, sitôt que j'essayais d'aborder la question qui me lancinait jour et nuit, Duncan s'enfermait dans le silence. Alors j'insistais, je disais, « Vous n'avez pas envisagé les progrès que vous feriez faire à la science. Les progrès, le terme est insuffisant. Vous la rendriez inutile en dispensant d'un seul coup la lumière. » Il détournait la tête et répondait, « La science doit poursuivre son lent développement au fur et à mesure que les hommes se développent. Son effort est indispensable. C'est grâce à ses patientes disciplines que se construit la pensée humaine. Vous nous feriez gagner des siècles. Il ne faut pas gagner des siècles. Mais pourquoi ?» Il se taisait, et le lendemain je recommençais. J'obtenais telle sentence décourageante, « Vous me faites repentir d'avoir voulu vous épargner. » Ou bien, « Tout ce que vous me dites, je l'avais rêvé aussi, là-bas, au Turkestan chinois. Je n'avais pas compris encore. » Compris quoi, Clarence ? Que les hommes feraient intervenir leur passion dans les desseins divins. Et comme j'avais envie de hausser les épaules, il ajoutait, « Rappelez-vous. » Et le silence retombait. J'évoquais nos silences de naguère dans le cadre presque identique, les tentures de Bokhara, les amas de coussins, les tapis persans qui semblaient nous isoler davantage sous le regard immobile des bouddhas dorés et les gerbes de roses rouges sombres que Duncan préférait. Naguère, nos esprits s'accordaient dans un abandon total. À présent, je me sentais plus séparé de lui que si une face de la terre eût interposé entre nous ses océans et ses montagnes. Me rappelant son goût de l'humour et ses gamineries d'autrefois, je me mettais à rire tout à coup. « Duncan, vous représentez-vous vos parchemins livrés à l'Académie des inscriptions, la tête effarée de tous ces grands savants, leurs protestations, leur refus de croire ? Et puis la certitude qui confondrait les plus sceptiques. Ou bien, je me figure la stupéfaction des préhistoriens le jour où ils contempleront les mouvements des hommes tertiaires, dont ils essaient d'établir l'existence au moyen de quelques débris fossiles et de pauvres cailloux. » Duncan se taisait, et dans ma folie, je m'imaginais que, s'il ne répondait pas, j'avais gagné quelque chose et que je finirais par le convaincre. J'essayais de l'aborder à l'improviste avec une question que je lançais. « Duncan, ce qui se passe dans la planète Mars, dites-moi ce qui se passe dans la planète Mars. » Silence. Je persévérais. « Puisque j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans la planète Mars. » « Non. » J'en venais à parler de mon travail sur le ton de jadis. Voilà des années que je m'efforce d'établir la loi qui exprime la relation entre l'intensité du psychisme et l'intensité des phénomènes de désassimilation dans le neurone et le siège. Si je faisais fausse route, si mes conclusions étaient hasardées, si je me trompais, Clarence, prévenez-moi. Le visage hermétique regardait ailleurs. Me souvenant que je suis médecin, je scrutais son masque altéré et je disais, Duncan, « Vous êtes malade. Laissez-moi vous soigner. Non, ne haussez pas les épaules. » Il lui arriva de répondre, « Malade ?» Son sourire s'accentuait. « Je suis seulement détruit. Détruit, jour après jour. » Et je sentis, à sa façon de se taire, que je ne pourrais plus rompre le silence. Un soir, il manifesta un abandon inusité. la petite Claire avait failli succomber dans la nuit à une cruelle attaque de crocs. Le médecin venait de partir, elle était sauvée, elle dormait paisiblement. Duncan, très ému, serrait mes mains avec un peu de l'effusion d'autrefois. Ce soir-là, il entreprit de me guérir, en me laissant connaître sa souffrance. Je lui dis comme malgré moi, « Pourquoi vous inquiéter ainsi? Vous saviez qu'elle serait sauvée. » Il répondit, « Je n'ai pu éviter son mal. » Et il ajouta, avec une sorte d'épouvante, « Si je pouvais m'empêcher de voir la vie de cet enfant. » Il était à demi couché sur le divan, la tête entre les mains. Il dit, et son accent de douleur me coupa la parole, « Être délivré de voir. » Puis il parla d'une voix mate, où ne perçait aucune intonation. « Ne comprenez-vous pas, Savigné, ne plus vivre dans le présent, l'humble présent, doux ou amer, que nous tenons entre nos mains, que nous pouvons incliner selon notre désir et notre volonté, le seul bien dont les hommes peuvent disposer, le seul instant où ils essaient de choisir, où ils s'imaginent choisir. Je ne l'ai plus, je n'ai plus le sourire de cette petite fille, la caresse de ses bras autour de mon cou. Les images de l'avenir interviennent aussitôt avec cette acuité de certains souvenirs qui vous privent de saisir le goût de la minute que l'on vit. » Il m'appela encore comme s'il voulait m'entraîner dans sa pensée. « Savigné, vous vous rappelez nos promenades dans la campagne. Désormais, à ces images ravissantes que la nature nous octroie, se superpose la vision, plus réelle que les choses que je touche, d'une terre désolée, toute nue, épave, morte, roulant à travers l'espace. La parure harmonieuse de notre vie, les fleurs, les feuilles, les saisons, sont pour moi comme si elles n'étaient plus, puisque je ne les vois plus. » Je songeais en l'écoutant, il a assisté aux premières convulsions du globe. Il a vu se soulever les continents. Il reprit sourdement, « Ceci n'est rien encore. Il y a les hommes. Assister au déroulement de leur existence, devenir le théâtre où s'agitent leurs passions, leurs ambitions, leurs haines, leurs basses convoitises, être assailli par ce déchaînement d'égoïsme. Ne conservez aucune illusion. Comprenez-vous le sens de ce mot, Savigné? Perdre à jamais l'illusion bénie. Voir partout des êtres de cristal. Discerner la pensée véritable au moment où ils essaient de la déguiser. L'arrière-fond de boue qui se mêle à leurs meilleurs désirs. Et ceci n'est rien encore. On leur pardonne quand on connaît toute la souffrance solitaire qui les attend. » Duncan s'accoutumait à demeurer perdu dans le désert, ne plus goûter l'admiration, ni l'amitié, ni la tendresse, car l'amitié se nourrit de l'estime, et la tendresse entraîne le désir. Tous les attachements humains me sont interdits. L'amour, oh, l'amour! Il se tut quelques secondes et reprit à voix basse, « Croyez-vous qu'André aurait pu supporter longtemps celui qui assistait au moindre conflit de sa pensée? Déjà, elle avait peur de moi. Cependant, Clarence... » Il eut un geste là qui coupa ma protestation. Il formula sa conclusion désolée. « Sentir le monde actuel et tangible vous échapper, flotter sans repos du passé à l'avenir, vivre à travers les âges, à travers les peuples, à travers les êtres, à travers les choses qui se défont, errer dans les temps qui ne sont pas nôtres, comme disait Pascal. Que bénie soit la sagesse qui nous a permis de ne porter à la fois qu'une souffrance circonscrite et déjà trop lourde. » Cette plainte étrange m'irritait. Je pensais, il exagère pour me convaincre, pour motiver son refus, inexplicable et presque criminel. Au même instant, je sentis qu'il déchiffrait ma pensée. Il dit doucement, « Mon ami, si je pouvais vous ôter ce mauvais désir de voir qui est en vous. » Il m'avait pris par les épaules, il me tenait devant lui, ses yeux fixés sur les miens. « Pierre, le vieux mythe du paradis perdu, l'arbre de la connaissance dont l'homme veut à tout prix goûter les fruits, malgré la défense divine. Il n'y a rien de plus profondément vrai, de plus éternel. Ce geste du premier homme, de quel châtiment il fut suivi. Son accent fraternel m'avait ému. Je lui saisis le bras, je m'écriai, « Duncan, si nous étions deux à connaître !» Alors, il répéta le mot qu'il m'avait dit un jour, « Jamais !» Il se libéra de mon étreinte. Je sentais bien que je heurtais mon front contre un mur, et je m'exaspérais tout à coup. Je lui jetais des reproches pleins d'amertume. « Vous refusez de servir les hommes. Votre attitude est indigne de vous. Vous n'avez pas le droit. » Je continuai longtemps, et lorsque je m'arrêtai à bout de souffle, il répondit avec le même calme, « Servir, moi aussi j'ai cru cela. Mon bonheur, vous savez ce que j'ai fait de mon bonheur, ce que vous avez fait de votre bonheur le jour où j'eus l'imprudence. Mais il y a beaucoup d'hommes qui vivent sans bonheur, et je me disais, pour me forcer d'accepter l'existence, je pourrais servir les autres. » Son rire éclata, cruel, résonna dans la vaste pièce qui sembla remplir de ce rire désabusé. « Servir ? Oui, certes. Il y a le général de corps d'armée que j'avais fait prévenir qu'un de ses détachements avancés allait être massacré en Syrie, dans une position indéfendable, entouré de traîtres et de guet-apens. Il a d'abord refusé d'écouter, puis il a pris une demi-mesure. Il s'est borné à doubler l'effectif. Le malheur aussi fut doublé. Il n'est pas resté vivant un seul de ces jeunes hommes. Depuis lors, ce général me hait et me traite de fou. Des services ? Ah ! Je pourrais vous en raconter des histoires de ce genre. » Il me regarda et ajouta à voix basse, « À quoi bon ? Vous non plus, vous ne me croyez pas. » Il s'était levé et marchait par la chambre. Il s'arrêta devant moi. « Soyez persuadé que tout le bien que je pourrais faire aux hommes n'équivaudrait pas au mal de cette tentation de voir que j'allumerais en eux comme je l'ai allumé en vous et dont je voudrais vous délivrer. » Une tentation, dites le plus haut désir humain. Connaître, connaître, criai-je hors de moi. Ce besoin de connaître qui est la noblesse de ces hommes au cœur boueux dont vous parliez tout à l'heure. Il m'interrompit avec une autorité grave. La seule possibilité de supporter la vue de ce défilé de malheurs dont nous ne comprenons pas le pourquoi, c'est de croire passionnément à la sagesse qui les a disposés. Vous qui n'envisagez que des utilisations immédiates, vous succomberiez. À bien des reprises, j'ai failli succomber, moi qui cependant n'ai jamais douté de l'ordre divin. Il s'impose à moi tous les jours davantage, et c'est ce qui me donne la force de vivre. Vous vous rappelez cette nuit à Balavo. Cette nuit-là, si j'avais douté, je serais devenu fou. J'avais repris mon sang-froid. Je comprenais qu'il était inutile de lutter davantage ce soir-là, et je le quittais. Ma raison s'insurgeait contre ses raisons. Je me sentais parfois plein de rancune et de colère, et pourtant je l'aimais. Son amitié continuait d'être l'un des biens les plus précieux de ma vie, et je refoulais l'inquiétude qui me serrait le cœur. Son amitié pourra-t-elle survivre à cette découverte que je deviens chaque jour davantage son adversaire ? La clairvoyance n'a-t-elle pas pour effet de tuer l'amitié, comme elle tue l'amour ? Je retournais chez lui presque quotidiennement, et je comptais toujours le fléchir. Le démon de savoir s'était installé en moi. Il arrivait au cours de ces soirées que Célestin entra, comme une ombre agile, et parla tout bas à Lord Clarence. Duncan se levait, s'éloignait, revenait au bout d'un quart d'heure, et j'observais l'extrême fatigue de son visage. Je devinais ce qui s'était passé dans le salon voisin. Comment le bruit s'était-il répandu que Lord Clarence lisait dans l'avenir mieux qu'une somnambule ? Lui qui s'entourait d'un tel secret, cela semblait à peine croyable. À Londres, déjà, il était assiégé. Ouvrières et grandes dames, duchesses et balayeurs de rue, professeurs en mal de littérature, industriels dévorés du désir de faire fortune. On venait chez lui pour un bijou perdu, pour un amant en volage ou un enfant vicieux, pour le succès d'un livre ou d'un commerce. En vain refusait-il de répondre. Les quémandeurs anxieux espéraient l'ébranler, réclamaient au moins un conseil, comme si les conseils de sagesse étaient jamais suivis, murmurait Clarence. Un soir, tandis que Célestin lui parlait à l'oreille, il me regarda tout à coup et ordonna « Fais-les entrer ici ». Le garçon s'éloignait. Alors Clarence désigna de la main un coin d'ombre contre la boiserie. « Mettez-vous là, » dit-il, « je ne suis pas fâché que vous soyez témoin de ceci. » Deux femmes s'avançaient d'une allure furtive, ensevelies dans leurs zibelines, leurs traits dissimulés par une voilette. L'une avait des cheveux d'argent autour d'un visage très pâle, l'autre semblait jeune. Toutes deux baissaient la tête. La plus âgée se mit à parler en anglais très vite, comme pour vaincre un malaise. « Excusez-nous, Lord Clarence, de venir chez vous ainsi, sans introduction et à cette heure. Nous voulions éviter d'être reconnus. Vous nous permettrez de garder l'incognito. » Un faible sourire joua sur les lèvres de Clarence. Il s'inclina sans répondre et avança deux fauteuils. La dame aux cheveux gris se pencha vers lui et dit en baissant la voix « On nous a affirmé que vous aviez le don de seconde vue, Lord Clarence. Nous traversons, mon ami et moi, des circonstances extrêmement douloureuses et nous sommes venus vous demander de nous aider en nous avertissant. » Elle s'interrompit. Duncan prononça froidement « On vous a trompé, madame. Je ne puis rien pour vous. » « Mais si, Lord Clarence, vous pouvez nous donner une consultation, » répliqua la plus jeune avec vivacité. « Est-ce dans la main que vous lisez, ou avez-vous besoin d'un objet, d'un bijou, par exemple ?» Déjà, elle se dégantait, retirait sa bague de diamants qui jetèrent des feux dans la pénombre. Du geste, Duncan refusa la bague, et regardant le visage qu'il implorait, il continuait à se taire. « J'ai de gros soucis, » poursuivait très vite la jeune femme décontenancée. « J'ai lieu de croire que mon mari est en train de perdre ma fortune, d'une façon peut-être frauduleuse. J'ai 4 petits-enfants, d'une santé délicate, et moi-même. » Elle s'interrompit, glacée par le regard de Clarence. « Que puis-je faire? Que dois-je faire? » supplia-t-elle. « Consultez un avocat, madame. Il vous renseignera sur les mesures à prendre pour sauvegarder le bien de vos enfants. » « Ah, vous ne voulez rien me dire ? » s'écria-t-elle en cachant sa figure dans ses mains. « Et je suis toute seule. » « Je ne puis rien vous dire, madame, mais je ne puis que vous exprimer ma profonde sympathie pour le désarroi où vous êtes, et vous affirmer ceci, on n'est jamais tout seul. » D'une façon douce et inflexible, il la reconduisit vers la porte. La dame, aux cheveux gris, l'avait suivie. Sur le seuil, elle s'arrêta, hésita, et rentra vivement dans la chambre. Lord Clarence, ne me refusez pas. Je sais que vous pouvez m'avertir. Au nom de votre femme que j'ai connue lorsqu'elle était jeune fille, que j'ai beaucoup aimée, dites-moi la vérité. Je n'ai qu'un fils, un fils unique, comprenez-vous, Lord Clarence? Depuis quelque temps, le voici complètement changé. Il mène une existence double que je pressens, et qu'il faut que vous me révéliez. Il est question pour lui d'un grand voyage. Oui, en Océanie. Dois-je accepter ce départ? Reviendra-t-il? Court-il des dangers? Il la laissa parler. L'allusion à André avait amené une contraction sur son pâle visage. Il dit enfin très bas, « Ne me demandez pas l'impossible, madame. » Alors, elle s'effondra dans le fauteuil. Son chapeau glissa de côté. Une mèche grise coula sur son épaule. Son visage apparut. Le désespoir de cette femme était si pathétique que je fus sur le point d'implorer Clarence, moi aussi. Lui, debout, devant elle, demeurait silencieux. « Laissez-le partir, » dit-il enfin. Et comme elle continuait de pleurer, il prononça avec une sourde véhémence « Remerciez Dieu qui nous a caché l'avenir. Et quand nous le connaîtrions, vous figurez-vous que nous pourrions quelque chose ? Sauver notre bonheur ? Sauver notre amour ?» Il ne répondait pas. On ne voyait que ses épaules secouées de sanglots. Alors Clarence parla d'une voix dure qui n'était pas la sienne, comme s'il ne pouvait plus maîtriser l'impulsion secrète. « Et si je vous disais que votre fils s'empoisonne de coco, qu'un jour il se dressera contre son père, et que pour éviter de salir le nom que vous portez, il... » Elle jeta un cri. Duncan reprit très vite. « Je mens. Ne voyez-vous pas que je mens pour vous ôter votre dangereux désir ? Rassurez-vous, madame, et n'essayez pas de savoir ce qui nous est caché. » Elle s'était levée, réparait machinalement le désordre de sa coiffure, cherchait son sac. Debout devant Clarence, et couvrant des deux mains son visage épouvanté, elle balbutiait. « Vous avez raison. Ne pas savoir. Ne pas savoir. » Et, comme si elle avait peur de lui, elle s'enfuit, tandis qu'il s'efforçait de la rejoindre pour la reconduire. J'étais sorti de l'ombre, je me tenais au milieu de la chambre. Duncan referma la porte et tourna vers moi sa face exténuée. Alors, il dit lentement, « La vérité, elles veulent savoir la vérité, comme si elles étaient capables de la porter. » Après une pause, il ajouta, « La plus jeune mourra dans 3 semaines, jour pour jour, laissant ses petits au père indigne. » « Et l'autre ? » fis-je dans un souffle. « Je n'ai pas menti, » murmura-t-il. Alors il marcha vers moi. « Comprenez-vous, comprenez-vous ? Vivre en tête à tête avec tous les démons de l'invisible. Il y eut un temps où j'ai voulu me tuer, pour ne plus voir. Je n'ai pas pu. Je crois en Dieu. Ensuite, j'ai accepté. J'ai appris à accepter ce dépouillement. J'ai appris à tuer en moi le désir. Et Dieu me soutient, vous entendez ? C'est lui qui m'ordonne le silence. » Tout en parlant, il me poussait vers la porte. J'ai obéi, je suis parti. Et je suis revenu le lendemain, je reviens presque chaque jour, invinciblement attiré dans ce cabinet de travail qui recèle le secret d'un pouvoir formidable. Je guette l'heure où, rendu à la raison, Clarence de lui-même me livrera ses parchemins. Je guette peut-être une occasion de m'en saisir. Le rimage m'obsède avec une telle acuité qu'il me semble parfois les voir déployés sous mes yeux. Une liasse de manuscrits intacts, à peine piqués d'humidité, au bord un peu effrangé que j'ai vu dans les mains de Clarence durant le voyage. Je me souviens d'une grande feuille de peau bise, couverte de caractères serrés qu'il portait toujours sur lui, qu'il glissait dans sa ceinture lorsqu'il retirait son veston de toile blanche. Je la reconnaîtrai. C'est peut-être celle-là. Et puis, il y a les commentaires du disciple, entachés de manichéisme, dont parlait Duncan. Les expériences notées au jour le jour, toute une série d'observations, des indications, des conseils, des méthodes. Un guide sans prix pour qui veut parcourir les routes de l'invisible. Dans quel recoin de sa bibliothèque Clarence a-t-il caché ce dossier ? Je me suis mis à l'étude du sanskrit. Tout autre travail me paraît vain. Jour et nuit, je pense à ce pouvoir que j'obtiendrai. Clarence, lui, ne sait pas s'en servir. Idéologue et fantaisiste, il se perd dans des obscurités métaphysiques ou sentimentales. Au lieu de se tourner vers la science, il ne pense qu'à l'inévitable malheur des hommes. Tandis que moi, quand je connaîtrai l'avenir, il souffre de sa solitude. N'est-ce pas lui qui l'a voulu ? Il souffre de voir ses avertissements demeurer sans effet, mais le jour où la connaissance supranormale sera mise à la disposition de ceux qui cherchent, elle cessera d'être inopérante, dédaignée ou moquée. Les gens de Balavo, s'ils avaient su qu'il existe un moyen de prévoir, ils auraient cru Duncan, ils seraient tous sauvés. Qu'il soit imprudent de livrer de tels secrets aux foules aveugles, peut-être. Mais qu'une élite consciente, réfléchie, rompue à la méthode scientifique, puisse en disposer, voilà ce qu'il faut obtenir, à tout prix. À tout prix, à tout prix, même à ce prix-là, m'emparer des manuscrits à l'insu de Clarence. Le soir où Duncan m'avertit qu'il partait pour un voyage de 2 jours, un de ces voyages au sujet desquels il ne s'explique pas, je sentis battre mon cœur. J'assistai à son départ dans sa limousine le matin suivant. Tout l'après-midi, je marchais comme un automate. Vers la fin du jour, je sentis ma résolution s'affirmer. Et je me trouvai, sans savoir comment, à la rue Vineuse, devant la porte de l'hôtel. Je dis à Célestin que Lord Clarence m'avait prié de faire une recherche pour lui, dans son cabinet de travail. Il m'y conduisit et m'offrit ses services avec insistance. Je le congédiai. Alors, sous le regard des Bouddhas, sous le regard des roses rouges qui trempaient sur la table et dont le parfum me bouleversait, refoulant des palpitations douloureuses, je commençai ma besogne impie. Elle était trop facile. Duncan ne fermait point ses meubles à clé. Il n'avait chez lui que de vieux domestiques qu'il avait vus naître, et ce petit Célestin, dont le dévouement total apparaissait dans les regards qu'il attachait à son maître. L'un après l'autre, j'ouvris les tiroirs du grand secrétaire empire. Je murmurai « C'est pour la science, pour la science !» Je mis la main sur une feuille couverte de l'écriture de mon ami. Comme Célestin entrait avec le plateau du thé, selon la coutume, je m'absorbais dans cette lecture, et tandis qu'il allait et venait, attentif à me servir, je copiais ces lignes où je cherchais quelques indices de la vie secrète de Clarence. Lorsque Célestin fut sorti, je replaçai le papier d'un geste machinal sans réfléchir et je glissai la copie dans ma poche. Puis je me penchai sur une petite commode en bois de rose. Mon cœur battait moins fort. Il me semblait que je m'accoutumais. Elle ne contenait que les lettres d'André. Je venais de refermer à la hâte le dernier tiroir. Mes yeux erraient, déçus, d'une bibliothèque à l'autre, cherchant à deviner l'endroit de la cachette. Je n'entendis pas la porte s'ouvrir et je sursautai quand la voix bien connue prononça « Bonsoir, old fellow ». S'il était entré 2 minutes plus tôt, il me trouvait courbé sur un meuble, au pillage, comme un vulgaire cambrioleur. Le dieu des savants me protégeait. Tant bien que mal, dissimulant mon embarras sous des paroles rapides, je le questionnais vivement. Une panne d'auto, un malaise? Et je cherchais une explication valable. J'étais venu consulter un livre, La force de l'habitude. J'aimais cette pièce toute pleine de lui. Sous son regard, je me tus, épouvanté. Je me rappelais donc plus, tant j'étais troublé, qu'il lisait dans ma pensée, qu'il avait connu mon projet peut-être avant que j'en fusse conscient, moi-même. Il était venu pour m'arrêter. Je sentis mon visage s'empourprer, ce sentiment de honte en face de lui qui savait. Ce fut une des minutes affreuses de ma vie. Duncan se servit une tasse de thé, puis il dit avec un calme qui me sidéra « Vous pouvez garder le papier que vous avez dans votre poche. Méditez-le, il vous sera utile. » Je continuai à ne rien trouver pour ma défense, pas même une plate parole d'excuse. D'ailleurs, à quoi bon? Il connaissait ma honte. Alors il dit doucement « Voulez-vous que nous allions assister au coucher de la petite Claire ?» Incapable de proférer une parole, je l'ai suivi. L'enfant battit des mains quand elle vit entrer Duncan, qu'elle appelait papa. Dans sa longue robe de nuit, pieds nus, elle courut à lui, les bras levés, et elle s'attachait à son cou, riant et quêtant des baisers. Je regardais machinalement la chambre rose, arrangée par André, et qui semblait encore toute baignée de sa tendresse, et je sentais redoubler mon malaise, moi qui étais entré dans la maison amie avec le dessein de voler. « Tu es juste revenu pour ma prière, papa, » disait la petite fille. Elle se mit à genoux sur sa couchette, joignit ses menottes et commença de réciter l'oraison dominicale. Lorsqu'elle eut achevé, elle ajouta quelques paroles, apprises par cœur, qu'elle débitait en s'appliquant sans les comprendre. « Bon Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as caché l'avenir. » La blonde tête ensommeillée retomba, se blottit au creux de l'oreiller. Duncan, penché sur l'enfant, l'aborda, éteignit les lumières et s'éloigna en assourdissant ses pas. Nous étions dans le vestibule. Je sentais qu'il fallait que je parte, et je me disais amèrement que j'avais perdu son estime. « Old fellow, » dit-il, et le son affectueux de sa voix me pénétra comme un remords. « Old fellow, priez comme cet enfant. » Je serrai sa main, je suis sorti, dans mon cabinet de travail, obsédé de voix contradictoires, parmi lesquelles la voix de la déception devenait la plus haute. Je dépliai le papier où, d'une main machinale, j'avais copié les notes de Clarence. accepter la solitude humaine totale, ne pas s'effrayer, rester conscient en présence de ce qui paraît le plus terrible aux yeux mortels que la sagesse bienfaisante est là, m'efforcer de toutes les forces de mon être de supporter sans fléchir le fardeau, accueillir avec joie les souffrances qui sont les étapes du pardon. Nous ne sommes qu'un instant du devenir universel, alors qu'importe les vicissitudes de cet instant. Parvenir à l'acceptation absolue, tuer en moi le désir, tuer toute velléité de révolte, n'être que la voile gonflée par le souffle divin, le miroir qui réfléchit les expressions divines, l'appareil docile enregistrant l'ordre divin. Et tu deviendras moins indigne de contempler la vérité, et la sérénité te sera donnée. Mais Seigneur, cette angoisse de ne plus vivre dans le présent, tu ne seras jamais abandonné. Il avait écrit au verso de la feuille, pressentir les perspectives magnifiques du monde révélé aux clairvoyants, le mystère de la lente évolution des âmes, le flot d'amour qui déferle de siècle en siècle jusqu'aux océans éternels. Tel était mon aveuglement que je haussais les épaules